Romains chapitre 13, versets 8 à 11. Romains 13, 8 à 11. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le thème de ce passage est l'amour. C'est un mot qui est sur presque toutes les lèvres. Et le titre de ce message est « On ne peut pas se passer de l'amour, de notre devoir d'amour. On ne peut pas se passer du devoir d'amour. » Si je fais un petit quiz rapidement et puis je demande une réponse le plus rapide que possible, quelle est notre référence d'amour? Qui est notre référence d'amour? Bonne réponse pour tout le monde. Ça ne m'avait pas pris beaucoup de temps pour trouver cette référence-là. Sa nature est amour. Et cette nature-là ne change pas, ne change jamais. Beau temps, mauvais temps, Dieu reste le même. Sa nature ne change pas. Chez lui, il n'y a pas de changement ni de variation. Nous sommes très loin de toucher le talon de Dieu à ce niveau-là. C'est un gros défi de là-bas, extrêmement élevé. Cependant, nos yeux doit toujours fixer sur ce modèle parfait. Après ça, il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Il nous a fait franchir beaucoup d'étapes. Par la fin de Jésus, il nous a fait tout, il nous a fait tout. Il nous a fait tout. Il nous a fait tout. Il n'est pas parfait, mais à la fin, quand Jésus a fait tout, il nous a fait tout. En attendant, nous devons accomplir notre devoir d'amour selon la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons respecter Dieu dans notre vie de Dieu et Dieu par amour. Comme nous servons un Dieu d'amour, notre vie doit caractériser par l'amour. La pratique de l'amour doit se manifester dans notre vie de travail. Comme un devoir les uns envers les autres. Comme un accomplissement de la loi. Comme un mode de vie dans l'attente du salut final. J'aimerais établir juste un petit contexte. Vous savez que l'Épître aux Romains a pour thème principal la justice de Dieu par la foi. Paul a parlé beaucoup de la justice de Dieu. On est justifié. Étant justifié, nous avons la paix avec Dieu. Et puis à partir du chapitre 12, Paul donne une série d'exhortations. Mais en fait, c'est comment nous, comme justifiés, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Au chapitre 13, versets 1 à 7, dans le contexte, c'est la partie où Paul mentionne qu'on doit être soumis aux autorités. Ils sont établis par Dieu, il faut les respecter. Même si on peut ne pas être d'accord avec leurs décisions, mais il faut les respecter. Au verset 7 de ce même chapitre, je cite, « Rendez à tous ce qui est dû, impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez à tous ce qui est dû. » Et puis au chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, il va être mentionné, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car l'amour de l'autre, c'est l'accomplissement de la loi. Passons à notre premier point. La pratique de l'amour doit se manifester comme un devoir les uns envers les autres. Chapitre 8, A et 8B. Chapitre 13, mais le verset 8A et 8B. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'idée, ce n'est pas de mettre un poids sur votre dos. Ce n'est pas ne pas avoir de dette financière. Parce que même dans la parole de Dieu, on parle de prêt. On peut prêter sans intérêt. Mais plutôt, c'est de régler ces choses-là. C'est de s'en libérer pour laisser plus de place à l'amour. Et ce thème est encore plus large. On peut prendre par exemple comme dette quelqu'un, l'égoïsme, la cupidité. Dans notre vie, ça peut être une dette qui nous empêche, qui nous bloque de pratiquer le devoir d'amour. Parce que l'amour demeure toujours. Et Paul, dans ce contexte-là, parle de l'amour entre les chrétiens. Parce que l'épître aux Romains a été adressée aux chrétiens de Rome. Dans un premier temps, il parle des chrétiens entre eux. Et c'est à ce moment-là, on voit l'importance de l'Église, la communauté chrétienne. Entre nous, nous devons aimer les uns les autres. Le frère ou la sœur qui est devant vous doit avoir un prix à vos yeux. Si vous voulez le faire maintenant ou après, dites à votre frère, à votre sœur qui est à côté de vous, j'ai un devoir d'amour envers vous. Je vous laisse la place si vous voulez. J'ai un devoir d'amour envers vous. Moi, personnellement, j'ai un devoir d'amour envers vous tous. Je ne peux pas me passer de ce devoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne. Si je refuse ou j'ai du mal à pardonner quelqu'un ou quelqu'une, ainsi je traîne une dette envers cette personne qui m'empêche de l'aimer. Par conséquent, je dois régler cette dette en le pardonnant. Jésus est notre exemple parfait. Je vais juste prendre l'exemple de Jésus et Pierre. Pierre a renié Jésus-Christ. Imagine-toi quelqu'un, on est là à l'église, et puis on a de bons chums, comme on dit ici, les frères et sœurs. Tu es dans le trouble. Et puis le gars dit, jamais connu ce gars-là. Pierre a fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a pas rejeté. Il l'a pardonné. Et Jésus l'a utilisé dans le ministère. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre après sa résurrection? Pierre, aimes-tu? On revient avec le mot amour. Pierre, aimes-tu? On ne peut pas se débarrasser de notre devoir d'amour. Aimes-tu? Et à plusieurs reprises. Oui, si tu m'aimes, paix. Mais oui, il a confié la mission en répondant à la question. Aimes-tu? Entre nous, si nous ne pardonnons pas aux autres, comment faire pour réciter notre modèle de prière qui est le Notre Père au complet? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la parole de Dieu va encore plus loin pour dire, aimez vos ennemis. La question que je peux me poser, ou chacun peut se poser, est-ce que j'ai une dette autre que le devoir d'aimer mes frères et sœurs? Ou tout simplement de demander à Dieu de nous la montrer et de nous aider à nous en débarrasser en vue de faire sa volonté en aimant nos frères et sœurs en Jésus-Christ? Peut-être il y a longtemps que vous luttez avec plusieurs sortes de dettes. Je vous conseille de prier Dieu pour vous en libérer. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons donner l'exemple en matière d'amour entre nous. Pas parce que ça va être facile, mais on n'a pas le choix. Peut-être on va voir ça plus loin, parce que l'amour prend tellement de place. Il est mentionné que l'amour n'aura pas de fin. Et l'amour qu'on parle, c'est un amour mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un amour vrai, sincère, véritable. Un amour qui reflète celui de Dieu lui-même. Comme l'a si bien dit dans le verset 10, dans Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Amour des croyants entre eux. Cet amour doit grandir, s'approfondir pour devenir persévérant, sincère et ardent. Cet amour peut s'exprimer de diverses manières, entre autres par l'hospitalité, par le soutien de ceux qui sont dans le besoin. Cet amour montre ou démontre non seulement l'authenticité de notre foi entre nous, mais aussi des croyants face au monde qui nous regarde. Et ce devoir d'amour est l'accomplissement de la loi. D'où notre deuxième point. La pratique de l'amour doit se manifester dans notre vie comme un accomplissement de la loi. Le verset 8C jusqu'à 10. Romains 12, 8C jusqu'à 10. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand on parle de la loi, il y a plusieurs pensées qui se défilent dans la tête. Car présentement, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. La question qui se pose toujours, comment accomplir la loi aujourd'hui? On a une partie de la réponse. L'amour accomplit la loi. Dans le contexte de ce passage, nous voyons que celui qui aime les autres a accompli la loi. Ainsi, la pratique de l'amour de Dieu dans nos cœurs accomplit la loi. Une question qu'on peut se poser aussi, pourquoi la loi a été donnée? Je me réfère à Galates 3 pour donner une réponse très courte. Galates 3, verset 19. Elle a été donnée, verset 19, Galates 3, ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Je vais sauter quelques passages pour aller au verset 22. Ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. D'accord, un gros mot, mais ce qui a le sens de l'enseignement qui est là pour nous enseigner. Aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi. J'aimerais juste illustrer rapidement. La loi, c'est un ensemble de commandements. Tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ça. Tu as des conséquences. Pour respecter la loi, il faut observer comme il faut toute la loi, sans broncher. Aujourd'hui, on a l'amour de Dieu en nous qui accomplit la loi. L'exemple que j'aimerais donner, c'est par rapport à moi et mon épouse. Notre relation ne se base pas sur un ensemble de règles. Fais ça aujourd'hui, dimanche, à telle heure, tu dois faire ça. Tu fais la vaisselle, ou bien tu donnes le bain aux enfants. Mais le jour où je fais ça, soit avant, soit après, il y a un problème. Parce que, comme on demande, si tu devais faire ça à telle heure, telle journée. Mais notre relation se base sur l'amour. Par amour, mon épouse peut être au salon ou à la cuisine. Et puis moi, sans le savoir, je plie les linges dans la chambre. C'est ça qui me dit à faire ça. Oui, ça rentre dans des tâches à faire. Mais c'est par ça qui me guide à plier les linges. Et ça lui plaît. Ça peut être pareil pour passer le balai. Ça peut être pareil pour porter la poubelle. Aujourd'hui, on a la loi qui est inscrite dans nos cœurs. Comme chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui nous guide. Et la loi de Dieu, comme je l'ai dit, est inscrite dans notre cœur. Donc, les quatre commandements du verset 10 s'accomplissent dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En aimant ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas le tuer parce que tu l'aimes. Cela nous montre la force et la puissance de l'amour. Galates 5, 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Romains 3, 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et la loi montre que nous sommes incapables. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu fait habiter son esprit en nous, qui est un esprit de force et d'amour. Et en l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous pouvons maintenant accomplir la loi qui demeure la parole de Dieu. Et j'aimerais insister là-dessus. La loi est la parole de Dieu. Ce qui arrive, la loi s'apprêtait vers Christ. Il y a certains commandements qui ne s'appliquent pas directement à nous aujourd'hui, mais la loi reste la parole de Dieu. Et Paul mentionne, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Et la notion de prochain qu'on parle englobe les chrétiens et les non-chrétiens. Notre amour ne se limite pas aux gens ayant la même foi que nous. Ça déborde le cadre. Dans le mot prochain, il y a le mot proche. Notre voisin, notre collègue de travail, les gens qu'on rencontre dans la rue, dans un centre d'achat, nos amis des réseaux sociaux maintenant. ce n'est pas une sorte de feeling, un sentiment d'aimer quand cela fait notre affaire ou notre bonheur. Non. Notre vie doit être une vie caractérisée par l'amour envers nos prochains. Et cette capacité d'aimer ne vient pas de nous, mais de Dieu. Dieu, il nous aime d'un amour infini. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix par amour, afin que nous ayons la vie, une vie selon son Esprit qui est en nous. Jésus a tellement insisté sur l'amour. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, l'amour. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je trouve pertinent de poser sainement cette question. Est-ce que j'ai un amour pour moi-même? On dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai un amour pour moi-même? Sans vouloir être centré sur moi, sans vouloir être égoïste, sans vouloir me glorifier, sans vouloir être orgueilleux, tout en mettant Dieu au premier rang. Est-ce que je valorise ce que je suis? Je suis un racheté, un juste. J'ai vu sur la grâce de Dieu. J'ai une importance pour Dieu. Ainsi, je peux traiter aussi mes prochains avec amour. Je sais que gérer les relations, c'est pas mal. C'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps facile. Mais en dépit de tout, l'amour du prochain prime. Ce n'est pas cela qui va m'arrêter. Parce que j'ai le devoir d'aimer mon prochain. Je n'ai pas à traîner une dette par rapport à cela. Je vais juste prendre un exemple personnel. Dans mes expériences de travail, par rapport à un échange avec un collègue, je considère que j'étais victime de son comportement inadéquat. Ce n'était pas facile, c'était quand même difficile. Après cela, il y avait même des gens qui disent, « Toi, si tu ne parles pas au boss, moi, je vais lui dire à ma place. » Mais ça n'empêche pas que la personne a présenté ses excuses, j'accepte ses excuses. Et je lui ai dit, « Si dans l'échange, je vous ai blessé, excuse-moi aussi, malgré que je me suis considéré comme une victime. » Je vous ai blessé, mais vous m'excusez aussi. Et je n'ai aucune rancune par rapport à cette personne-là. Je rencontre la personne, c'est comme si rien ne s'était passé. J'ai retourné à la maison libre, sans avoir de fardeau. J'ai réglé ça très rapidement. Je n'ai pas à traîner ce fardeau-là par rapport à cette personne-là. Je vais prendre un exemple plutôt, et ça c'est un exemple vrai, un exemple plutôt fictif. Vous avez votre voisin, en soufflant la neige, il envoie tout un petit peu sur ton terrain. Faisant le nettoyage d'automne, il envoie tout le temps une quantité de feuilles et sur ton terrain qui est déjà nettoyé. À plusieurs reprises, tu lui observes et ça a tout le temps recommencé. Ça commence à te choquer un peu. Et à un certain moment, vous vous êtes chicané et vous lui avez dit les pensées de votre cœur. Et finalement, c'est arrêté. Il n'a pas recommencé. Mais cette personne-là, vous l'avez sous le cœur. Si vous me demandez, je fais quoi avec je fais quoi avec ça? Je ne peux pas l'aimer. Vous allez me permettre de vous répondre par quelques questions. Est-ce que tu formules cette requête en prière et la présenter à Dieu? Est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour ce que vous l'avez dit qui n'était pas conforme à la parole de Dieu? Parce que vous l'avez dit le fond de ton cœur. Des choses qui n'étaient pas conformes. Est-ce que tu es prêt à lui pardonner pour te libérer de cette dette? Car vous avez un devoir d'amour envers votre prochain, dont ce voisin. L'accomplissement de la loi est dans l'exercice ou dans la pratique de l'amour envers ce prochain. Et vous avez à faire votre part. À supposer que la personne n'accepte pas ça. Mais vous, vous avez fait votre part. Vous l'avez saluée. Elle n'a pas répondu. Vous avez fait votre part. Vous n'avez pas à traîner aucune dette par rapport à cette personne-là. Et ça laisse la place d'aimer. Ne vous laissez pas hanter par des choses qui vous empêchent de pratiquer l'amour envers votre prochain. La solution est en Christ. Il a dit d'aimer nos ennemis. Et il a aussi dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Portez-les à moi. Je sais quoi faire avec. Mais soyez aussi attentifs au Saint-Esprit de Dieu qui travaille dans vos cœurs et qui donne un cœur aimant. On pourrait prendre aussi la parabole du Samaritain qui a pris soin de la personne qui était victime des brigands aussi. Et ce que j'aime avec ce parabole-là, oui, lui a pris soin. Et puis la question qui a été posée, surtout que j'aime, qui s'est montré le prochain de cette personne-là? C'était le Samaritain. Et parfois, pour aimer, ça coûte quelque chose. Il y a un prix à payer. Ça peut être le temps. Le Samaritain, il a pris du temps pour mettre un bandage sur les plaies. Mettre du vin, de l'huile. Il avait entremêlé de la compassion pour cette personne-là. Il l'a amené dans un centre de santé, on pourrait dire un CLSC, c'était aujourd'hui. Il a dépensé de l'argent. Parfois, ça, un coup. Ça vaut la peine. Parce que c'est l'application de la parole de Dieu. Supportons les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens 13, verset 13, en somme, trois choses demeure: la foi, l'espérance, l'amour, ou dans certaines versions, comme le second, c'est la charité. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et je n'ai pas le temps file. J'aimerais que vous lisiez le chapitre 13 au complet. Ça parle de l'amour, c'est tellement enrichissant. Et il y a aussi le volet dans l'accomplissement de la loi. C'est le volet, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait que du bien. Et je vais juste répéter encore, cet amour, c'est l'amour qui a été mis dans notre cœur par le Saint-Esprit qui a été donné en Jésus-Christ. Fais pas de mal à personne. Et si on prend, par exemple, Matthieu 25, verset 31 à 46, on ne va pas tout lire. On voit quelle est la force de l'amour. Même dans l'évaluation que Jésus a à faire à son retour. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous m'avez accueilli. C'est quand je vous ai vu soif ou faim. À chaque fois que vous faites ça, pour un de mes plus petits, vous m'avez fait ça. C'est à moi que vous l'avez fait. Jésus même se caractérise en prochain. Je fais quelque chose pour quelqu'un, je le fais quand même. La récompense, c'est que, comme juste, vous allez avoir la vie éternelle. Je résume ce passage ainsi. Pratiquons le bien avec tous et surtout envers les frères dans la foi. Et nous ne travaillons pas dans le beurre. Ça, c'est une expression d'ici. Quand, ne travaillez pas dans le beurre. Vous allez avoir des récompenses, c'est sûr et certain. Et 1 Jean 4, verset 16, vient de lier solidement une fois de plus l'amour de Dieu. Et l'amour est Dieu. Je cite, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et Dieu demeure en lui. L'amour doit développer en nous de la compassion, de la patience, de la miséricorde, de la douceur, de l'empathie. Il doit nous pousser à toujours faire le bien. Ce que vous voulez pour les autres. Ce que vous voulez que les autres font pour vous. Faites-le pour eux. Que cela soit pour nous un mode de vie. D'où notre troisième point, la pratique de l'amour doit se manifester comme un mode de vie dans l'attente du salut final. C'est le verset 11, Romains chapitre 12. J'aimerais lire le temps file, la version et semeur. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus proche de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. J'aimerais préciser avant tout, quand on parle de salut final, c'est parce que le salut, on est sauvé. C'est garanti à 100%. Notre salut est assuré. Mais dans l'œuvre du salut aussi, il y a la sanctification au niveau de la sanctification. On n'est pas parfait, mais on va être parfait. C'est pourquoi on parle, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La perfection, ça va être après. C'est dans une perspective future. Jésus-Christ est notre garant, le Saint-Esprit c'est un avant-goût. En quel temps nous sommes? Continuons à pratiquer l'amour les uns envers les autres, car nous savons en quel temps nous sommes. Continuons à aimer nos prochains, car nous savons en quel temps nous sommes. De toute façon, le compte à rebours a déjà commencé. Nous savons en quel temps nous sommes. C'est un temps où Christ peut revenir à n'importe quel moment. C'est d'autant plus important car nous savons en quel temps nous sommes. Nous savons en quel temps nous sommes. Il faut racheter le temps car les jours sont de plus en plus mauvais. Nous savons en quel temps nous sommes. Tout ce qui nous précède et Jésus lui-même nous a déjà dit que le royaume de Dieu est proche. Nous savons en quel temps que nous sommes, le royaume de Dieu est proche. Ce verset nous rappelle de ne pas cesser de pratiquer l'amour ou d'accomplir notre devoir d'amour, car nous savons que nous sommes dans une période de temps où nous devons être vigilants. Vous devez vous réveiller enfin du sommeil. Paul, quand il a parlé de se réveiller du sommeil, pas parce que les chrétiens de Rome étaient dans un sommeil spirituel. Parce que Paul même a parlé que l'amour de ces chrétiens-là était répandu à travers le monde. Mais c'est dans le sens de mettre l'emphase sur la vigilance. Nous devons pratiquer cet amour-là, car le temps ne nous attend pas. Beaucoup de commentateurs pensent que le terme a été mis de l'avant pour encourager les chrétiens. Il est aussi valable pour nous aujourd'hui d'être vigilants, car Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Il arrivera comme un voleur. Il faut aussi se réveiller. Rester dans la volonté de Dieu est essentiel. Jésus a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans le contexte de ce passage, la pratique de l'amour pendant qu'on se rapproche vers la fin des temps, a une importance capitale. Ce n'est pas le temps de se laisser distraire. Nos yeux doivent constamment fixer sur Jésus. Nous sommes des passagers sur cette terre. Les attraits de ce monde, les œuvres de la chair ont tendance à nous attirer. Et le péché qui enveloppe si facilement. En s'appuyant sur Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Nous devons absolument demeurer dans l'amour de Dieu. Nous ne devons pas nous passer de notre amour, car c'est notre marque chrétienne. Le temps viendra où nous serons dans la gloire de Dieu. Et nous ressemblons parfaitement à l'image de Christ. Et le temps est plus proche que lorsque nous avons Christ. J'aimerais juste revenir au passage 1 Corinthiens 13. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Dieu nous aime d'un amour infini, à l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons aussi pratiquer cet amour. Et dans l'évaluation que Jésus-Christ va faire, l'amour qui nous permet de faire le bien va être un critère essentiel. et nous aurons la vie éternelle et c'est garanti. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ça va être les tourments éternels. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais juste faire un appel. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, il est temps. Et cet amour dont on a parlé tantôt, c'est l'amour qui nous a été mis, je le répète, dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné en Jésus-Christ. Un amour qui ne se vante pas. Un amour qui n'est pas envieux. Un amour qui ne trame pas le mal. Un amour qui ne s'enfle pas. Je vous invite, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, de faire une simple prière, mais efficace, en reconnaissant que vous êtes des pécheurs, perdus. Vous pouvez demander pardon et demander à Dieu de prendre ta vie et de la transformer pour sa gloire. Pour que son Saint-Esprit habite en vous. Et en conclusion, pendant que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre vie soit caractérisée par l'amour de Dieu en Jésus-Christ.